« Et pourquoi parler ? » s'écria-t-elle, en s'adressant un reproche à elle-même. « Ah, je n'en ai jamais tant dit, allez !»« La triche en reviendra à son maître !» ajouta-t-elle après une pause, en employant une expression du langage enfantin. « Comme vous dites sagement, aiguisons nos dents et tirons du râtelier le plus de foin possible. »« Vous avez raison, » dit Madame Marneffe, que cette crise effrayée et qui ne se souvenait plus d'avoir émis cet apophtègme. « Je vous crois dans le vrai, ma petite. Allez, la vie n'est déjà pas si longue, il faut en tirer parti tant qu'on peut, et employer les autres à son plaisir. J'en suis arrivée là, moi, si jeune. J'ai été élevée en enfant gâté, mon père s'est marié par ambition et m'a presque oubliée, après avoir fait de moi son idole, après m'avoir élevée comme la fille d'une reine. Ma pauvre mère, qui me berçait des plus beaux rêves, est morte de chagrin en me voyant épouser un petit employé à 1200 francs, vieux et froid libertin à 39 ans, corrompu comme un bagne, et qui voyait en moi ce qu'on voyait en vous, un instrument de fortune. Eh bien, j'ai fini par trouver que cet homme infâme est le meilleur des maris. En me préférant les sales guenons du coin de la rue, il me laisse libre. S'il prend tous ses appointements pour lui, jamais il ne me demande compte de la manière dont je me fais des revenus. » À son tour, elle s'arrêta, comme une femme qui se sent entraînée par le torrent de la confidence, et frappée de l'attention que lui prêtait Lisbeth, elle jugea nécessaire de s'assurer d'elle avant de lui livrer ses derniers secrets.